Pour tous vos problèmes électriques, que ce soit industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel, les Électriciens du Nord, un incontournable en affaires depuis 1977. Notre équipe possède le savoir et l'expérience pour répondre à tout besoin. Les Électriciens du Nord, 1025 Première Rue à l'Ascension, au 418-347-5103 ou visitez ledn.com. Monsieur Ghislain Tremblay et tout le personnel des Électriciens du Nord invitent toute la population à la classique hivernale de Saint-Luc-Gilles-Milo et félicitent les organisateurs. Salut Danny, ça va? Ça va bien, ça va bien. Chantal, sixième édition. Dis-moi, comment ça a commencé? D'où est venue l'idée? Ben, en fait, l'idée est venue de les pompiers organisaient anciennement là le tournoi de famille. Okay. Mais dans les pompiers, il y avait un gars que son enfant jouait du hockey en ligue à Adelbeau. Donc de fil en aiguille, ils ont dit bon, on essaie-tu de faire une classique hivernale et les gens avaient demandé ça, les jeunes aiment ça, ça joue dehors, ça fait changement puis ça compte autant que leur game initial. C'est un peu comme ça que ça a commencé. C'est lui, Stéphane Maltais, qui a un peu décollé ça avec l'équipe des pompiers qui s'en occupait. Là, moi, je suis comme introduit là pour lui donner un coup de main tout au long de l'année, mais Stéphane et quelques pompiers là sont encore dans toute l'organisation de tout ça. Ça, la classique hivernale, c'est des joueurs qui, c'est des équipes de hockey mineur de Delbault-Mistassini et de tout la MRC et Saint-Luc-Gilles-Milo qui jouent des matchs, puis ça compte au classement, c'est ça? Ben oui, et tout la MRC, puis comme là, en fin de semaine, on a une équipe de chez Bougamau, parce que, en fait, c'est les équipes, oui, de la MRC, mais de Lac-Saint-Jean-Est aussi, il y a même des années qu'on a eu des équipes de l'Abbé, là, on a une équipe de chez Bougamau, fait que ça dépend toujours dans leur listing de game, le 9 février, ils jouent ce contre qui, ben c'est l'équipe qui accepte, bien entendu, c'est pas toujours que l'équipe accepte, il y a des années qu'il y a des équipes dans des halls qui veulent pas ou bon pour plusieurs raisons, mais quand l'équipe accepte là, ben ils s'en viennent jouer ici le match qu'ils joueraient à l'aréna, mais sauf que là c'est à l'extérieur. OK. Puis ça pogne-tu beaucoup? Ça pogne pas mal. Okay. Ils arrivent ici en autobus scolaire. Les parents, les grands-parents viennent les voir jouer. C'est des grosses journées. Nous, de notre côté, là, on a un commanditaire qui offre entre la deuxième et la troisième période, pendant que la Zamboni passe sur la glace, on a un commanditaire qui paie le chocolat chaud aux jeunes entre la deuxième et la troisième période pour les réchauffer. On a les parents aiment ça parce qu'on a une espèce d'estrade chauffée qui ils ont des chaufferettes en dessous pour pas que les gens aient trop froid. Les bancs des joueurs est chauffé. Les chocolats chauds sont servis par des équipes de bénévoles de la maison des jeunes, puis des ateliers pirouettes qu'on a là, un petit comité de pirouettes pour les enfants 0-5 ans pour des jeux. Donc c'est tous ces parents là puis les jeunes de la maison des jeunes qui s'occupent de servir le chocolat chaud aux jeunes joueurs de hockey. OK. Dis-moi maintenant, si on parlait un peu, comment là, on annonce de la merde tout au long de la fin de semaine. Ça va-tu avoir lieu quand même s'il y a de la pluie verglaçante et ainsi de suite? Ben, écoute, à date, on n'a jamais été obligé d'annuler une classique. Okay. Je verrais pas vraiment. On croise les doigts pour que ça soit pas si pire que ça. Mais vite comme ça là, on n'a jamais annulé une classique hivernale. Okay. Puis avec la Zamboni, puis je pense que les gars sont prêts, puis en tout cas on espère pas être obligé de, mais bon. Okay. J'ai des bonnes nouvelles je te dis à météo en même temps pour l'annonce de la pluie verglaçante demain, mais dans la nuit de vendredi à samedi ça va retomber à -16, donc j'imagine qu'il va y avoir du monde qui vont travailler pour retravailler la patinoire. Exactement, la patinoire va être puis au pire, tu sais, on ferme le vendredi soir pour pas qu'elle soit trop brisée, si ça ramollit trop. Dans ce temps-là, c'est ce qu'on fait là, on empêche les gens d'aller patiner pour pas la briser encore plus. Donc, mais les gars ont travaillé très fort pour mettre une très belle patinoire, puis les jeunes ont hâte, puis c'est très très très très prometteur là pour les jeunes, puis tout le monde aime bien ça. Okay. Dis-moi, ça commence à quelle heure? La première game est à 10h. OK. puis par la suite, il, ouais. ça va jouer tout au long de la journée, c'est ça? Il y a combien tout de matchs? Tout au long, la dernière game, les gens peuvent aller sur le Facebook, ils vont chercher Classique Hivernal Saint-Eugène-Milo. Okay. On a l'horaire, j'ai mis l'horaire, mais les deux games du matin, là, sur les trois games, c'est deux, les MAG 1, des MAG 2. Ensuite, on a une équipe de Bantam 2B, Midget A, Junior A. Ça, c'est la dernière game à 15h30, l'après-midi. Ben, Chantal, un gros merci. Au plaisir de se reparler, puis bonne chance pour votre activité. Bon, ben, merci beaucoup, Dani. Voilà, Chantal, l'une des responsables de la Classique Hivernale.